cup of coffee and a cigarette. I'm waiting for the one I want, a loving case. It seems like a year since I've seen her face. And as she thinks about her wet toothpaste, I'm waiting for my baby that she can hear you. One cup of coffee and a cigarette. Oh, oh. De la voix de Martin jusqu'à Saint-Lazare. Je cherche un haut hypnol en marchant au hasard. Je suis pas bien flamboyant, j'ai peut-être l'air d'un crevard. Mais un de ces quatre matins, je serai cousu de dollars. Je suis pas bien flamboyant, j'ai peut-être l'air d'un crevard. Mais un de ces quatre matins, je serai cousu de dollars. Oh, oh. C'est le chemin du mitard. Je me force à pas masquer juste pour faire chier le bricard. Oh, hypnol et mutisme pour tendu un tracteur. Mais un de ces quatre matins, j'ai cousu de dollars. Je suis pas bien flamboyant, j'ai peut-être l'air d'un crevard. Mais un de ces quatre matins, j'ai cousu de dollars. Oh, oh. Cry if you don't show up. The tears are gonna fall in my coffee cup. The cigarette smoke is getting in my eye, and it's the reason for my cry. I'm looking for my baby that you ain't here yet. One cup of coffee and a cigarette. Oh, oh. One cup of coffee and a cigarette. Oh, oh. One cup of coffee and a cigarette. Oh, oh. One cup of coffee and a cigarette. Oh, oh.